بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Donc inshallah, nous allons continuer l'explication du livre intitulé Les Trois Fondements, livre écrit par le grand savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Et on s'était arrêté à la parole de l'auteur lorsqu'il dit الثانيه العمل به, la deuxième est sa mise en pratique. Et ce qui est voulu par la mise en pratique, c'est la mise en pratique de la science, car il ne suffit pas d'apprendre seulement, il est impératif de mettre en pratique sa science. Car la science, sans mise en pratique, est une preuve contre la personne. Et la science ne sera profitable qu'avec sa mise en pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a montré la dangerosité de délaisser la mise en pratique de la science. Et pour ce faire, il a comparé ces gens à certains animaux. Comme dans Surat al-Jumu'ah, il a comparé ceux qui délaissent la mise en pratique de la science, il les a comparés à des animaux, tels que l'âne ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction, ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. L'âne qui porte des livres de science sur son dos, va-t-il profiter de ces livres? Est-ce qu'il obtiendra un quelconque mérite? La réponse est non. Tout comme la personne qui ne met pas en pratique sa science, elle ne lui sera en rien profitable. Et dans Surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala compare celui qui ne met pas en pratique sa science à un chien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Il dit selon le sens, Subhana raconte leur histoire, de celui auquel nous avions accordé nos signes, mais qui s'en dépouilla, si bien que le shaitan le rattrapa. Et il fut ainsi du nombre des égarés. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes, mais il pencha vers la vie sur terre et suivit ses passions, comparable à un chien qui allaite. Que tu le poursuives ou le laisses en paix. Tel est l'exemple de ceux qui démentent nos signes. Raconte-leur donc les récits afin qu'ils réfléchissent. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la dangerosité de cette chose dans la sunna, notamment dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première personne qui sera jugée le jour du jugement est un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran. On le fera venir et Allah lui montrera ses faveurs qu'il reconnaîtra. Il demandera: qu'en as-tu fait? Il répondra: j'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran pour toi. Allah dira: tu mens, tu as plutôt appris la science pour qu'on dise que tu es savant et que tu lis le Coran. Et tu as lu le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur. Et on l'a dit. Ensuite, on donnera l'ordre. Et il sera traîné sur son visage jusqu'à être jeté en enfer. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc cette personne a appris qu'il fallait être sincère et que l'ostentation est interdite. Malgré cela, il n'a pas mis sa science en pratique et a œuvré par ostentation. Et ceci a été la cause qu'il aille en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ensuite, l'auteur, il dit, la troisième est d'y inviter les gens. Donc après la mise en pratique de la science, vient l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet, ikhwani fillah, revient à la capacité. Il convient certes aux musulmans d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala selon sa capacité et sa science. Et l'éminent savant, al-Sheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à ce sujet, il incombe à tout musulman d'appeler à Allah selon sa capacité et sa science. Fin de citation. Et il faut savoir aussi qu'appeler à Allah fait partie des meilleures paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Fussilat: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il dit selon le sens, subhanah, qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit des œuvres pieuses et dit: je suis de ceux qui se soumettent à Allah. Mais il est important de souligner que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala a des conditions. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné qu'il y a 5 conditions. La première est la sincérité. La deuxième est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux conditions, d'un point de vue général, sont les deux conditions d'acceptation de l'adoration. La troisième condition que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionnée, c'est la science. Car celui qui appelle à Allah ne doit pas être savant de toute la religion, mais il doit avoir la science du sujet à quoi il appelle. Et avec la deuxième et la troisième condition, nous pouvons réfuter certaines sectes et certains groupes qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance et aussi qui innovent dans la manière de prêcher, telle que la secte qu'on appelle l'établir. Car la plupart de ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala parmi eux sont des ignorants. C'est pour ça qu'ils ne voient aucun mal à envoyer une personne fraîchement convertie à l'islam pour prêcher, alors qu'il ne connaît pratiquement rien de la religion. Et aussi leur prêche, comme l'ont mentionné les savants de la sunna, n'est pas basé sur le tawhid. Et ceci est une chose connue. Lorsqu'ils vont prêcher dans les cités de France, tu ne les verras que très rarement parler de tawhid. Et si tu les entends parler de ce sujet, ils vont se contenter de parler du tawhid de la seigneurie. Et l'éminent savant, Cheikh Mouqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, un grand savant yéménite, rahimahullah, rahmatan wasi'a, a une très belle parole à ce sujet. Il dit, je cite, « Si Abu Lahab aurait écouté et entendu le prêche du groupe d'établir, il ne l'aurait pas refusé. » Fin de citation. Il ne l'aurait pas refusé, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas refusé cet appel. Car en vérité, Abu Lahab reconnaissait l'unicité dans la seigneurie. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée, donne la vie, donne la mort, et tout ce qui s'ensuit. Et vu que l'établir, lorsqu'il parle du tawhid, il parle du tawhid dans la seigneurie, il ne se serait pas opposé à ce prêche. Et ici, l'un d'entre vous, ou plutôt l'un d'entre eux, excusez-moi, pourrait dire, pourquoi vous nous reprochez des choses alors que nous faisions que le bien? Nous allons dans les quartiers, nous parlons de religion aux jeunes, nous voyageons aux quatre coins du monde pour prêcher. Allah va-t-il nous châtier alors que nous faisons le bien, tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Balliru anni walau aya, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Donc ce genre de paroles, ikhwani fillah, sont assez fréquentes. Et certains musulmans se font tromper par ce genre de discours. Et pour réfuter ce genre d'ambiguïté, il suffit de mentionner le athar de Saïd ibn Musayyib, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Abdelrazzaq As-San'ani rapporte, d'après Saïd ibn Musayyib, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il vit un homme prier plus de 2 unités après la levée de l'aube, dans lesquelles il multipliait les inclinaisons et les prosternations. Il lui interdit donc cela. Et l'homme lui répondit, « Ô Abu Muhammad, est-ce qu'Allah me châtiera pour la prière ?» Saïd ibn Musayyib lui dit non, mais il te châtiera pour avoir contredit la sunna. Et l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman, ou plutôt Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit en commentaire de ce affar, ceci fait partie des réponses remarquables de Saïd ibn Musayyib. Et c'est une arme puissante contre les innovateurs qui jugent les innovations convenables sous prétexte qu'elles ne sont que prières et évocations. Ils reprochent ensuite aux gens de la sunna de les réprimander pour cela. Et ils accusent de réprimander l'évocation et la prière alors qu'en vérité, ils réprimandent leur opposition à la sunna dans les prières, évocations et autres. Fin de citation. Donc ça, c'est une réponse qu'on peut mentionner concernant cette ambiguïté. La quatrième condition, c'est faire preuve de douceur. Faire preuve de douceur dans ce que tu ordonnes et ce que tu interdis. Mais comme on l'a mentionné dans le cours dernier, ceci est en règle générale. Et la cinquième condition qu'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est faire preuve de patience après le prêche. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'auteur, il dit, et la quatrième est de patienter en cas de persécution due à cet appel. Certains savants ont dit concernant ce point que celui qui apprend le tawhid, puis le met en pratique pour ensuite appeler les gens à celui-ci, il sera forcément éprouvé. Il faudra donc qu'il patiente. Et la patience est de trois sortes, comme l'a mentionné l'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons la patience dans l'obéissance, qui est la première catégorie. Ensuite, il y a la patience face aux interdits, et ceci est la deuxième catégorie. Et nous avons la patience face aux décrets d'Allah, qui est la troisième catégorie de patience. Ensuite, l'auteur, après avoir mentionné la patience, donc le quatrième point, il a mentionné une preuve du Coran. Il dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Il dit l'auteur, la preuve réside dans la parole d'Allah, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent l'endurance. Donc ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il mentionne une preuve pour appuyer ses dires. Et il y a dans cela une indication sur la méthodologie des gens de la sunna. En effet, les gens de la sunna, lorsqu'ils parlent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils mentionnent les preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne sortent rien de leur tête, mais plutôt ils se basent toujours sur le Coran et la sunna. C'est pour cela que dans les livres de l'auteur, tu trouveras qu'il mentionne très souvent les preuves du Coran et de la sunna. Et dans cette sourate, il est mentionné les quatre points que l'auteur a cités précédemment. Lorsqu'Allah dit selon le sens, sauf ceux qui croient, ceci est une preuve concernant la science, car la foi est basée sur la connaissance. Et lorsqu'il dit selon le sens, font de bonnes œuvres, ceci est une preuve concernant la mise en pratique. Et lorsqu'il dit selon le sens se recommande la vérité, c'est une preuve pour le troisième point que l'auteur a mentionné qui est le prêche. Et lorsqu'il dit toujours selon le sens et se recommande l'endurance, c'est une preuve pour la patience. Donc dans Sourate Al-Asr, il y a les quatre points que l'auteur a mentionnés. La science, la mise en pratique, le fait d'inviter les gens, c'est-à-dire le prêche, et patienter en cas de persécution due à cet appel. Ensuite, l'auteur, il dit, Al-Shafi'i rahimahullah a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Concernant la parole de l'imam Al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, L'éminent savant Cheikh Al-Uthaymin a dit à propos de cette parole: l'imam al-Shafi'i signifie par là que cette sourate est suffisante en termes d'encouragement à s'accrocher à la religion d'Allah par la foi, les bonnes œuvres, l'appel à la religion et la patience dans cet effort. Mais il ne veut pas dire par là que cette sourate est suffisante pour les créatures concernant toute la législation. Fin de citation. Donc l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il ne veut pas dire que cette sourate suffit dans l'ensemble des choses de la législation, telles que le mariage, le hajj, la zakat, etc. Mais, comme Charles Uthaymin l'a mentionné, il suffit et elle est suffisante en termes d'encouragement à s'accrocher à la religion par la foi, les bonnes œuvres, l'appel à la religion d'Allah et la patience dans cet effort. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'auteur, il dit, Al-Bukhari, rahimahullah, a dit, chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Et la preuve réside dans la parole d'Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Et la preuve réside dans la parole d'Allah, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et implore le pardon pour ton péché. Allah a donc commencé par la science, avant la parole et l'action. Ceci, ikhwani fillah, car l'action n'est profitable que lorsqu'elle est basée sur la science. Et pour que ce sujet soit plus clair, il convient de donner quelques exemples. Le premier exemple qu'on va donner, c'est l'exemple d'un commerçant. Imaginons qu'un commerçant n'a pas appris les règles du commerce. Donc son ignorance va forcément le faire tomber dans certains péchés, car il ignore certains jugements, alors qu'il lui incombait d'apprendre les règles du commerce avant de se lancer dans le commerce. Il devait ici d'abord apprendre et ensuite œuvrer et rentrer dans son commerce. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a œuvré avant d'apprendre et forcément il va tomber dans certains péchés. Et le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est le prêche des gens de l'innovation. Car beaucoup parmi les gens d'innovation n'appellent pas les gens à la science. Ils vont les appeler à beaucoup d'autres choses, sauf l'apprentissage de la science, et plus particulièrement l'apprentissage du tawhid. Et cette chose peut être la cause que ces jeunes-là, au bout d'un moment, lâchent la religion, car ils ne savent pas pourquoi ils ont arrêté de faire des péchés, ils ne savent pas pourquoi ils ont arrêté de boire de l'alcool, de fumer, etc. Au contraire du prêche des gens de la sunna, ils appellent premièrement les gens à apprendre leur religion, notamment l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci va être une cause que les gens s'accrochent à leur religion, car avant de vrai, ils ont appris. Car avant de vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris. Donc ensuite, l'auteur, après cela, il dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés, il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissés sans but. En effet, il nous a envoyé un prophète. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon, Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Donc ici l'auteur, il a mentionné deux sujets. Le premier sujet, c'est l'unicité dans la seigneurie. Et le deuxième sujet, c'est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de rentrer dans l'explication du premier sujet, nous allons faire une introduction par laquelle nous allons répondre à certaines ambiguïtés qui visent à dénigrer le prêche des gens de la Sunna. Comme vous le savez, et ceci est connu de bon nombre de musulmans, l'unicité, ce qu'on appelle le tawhid, se divise en trois catégories. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question que l'on peut se poser est-ce qu'il y a un texte dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnant cela mot pour mot? Est-ce qu'il y a un texte dans le Coran par exemple qui nous dit, un verset qui nous dit que le tawhid se divise en trois catégories, donc mot pour mot? Ou bien est-ce qu'il y a dans la sunna un hadith qui mentionne que le tawhid, l'unicité, se divise en trois catégories? La réponse à cette question est non. Donc l'autre question qui se pose, d'où sont venues ces trois catégories? S'il n'y a pas de verset mot pour mot dans le Coran, et s'il n'y a pas un hadith où il est mentionné que l'unicité, le tawhid, se divise en trois catégories, et cette question est importante, car certaines personnes qui dénigrent le prêche des gens de la sunna disent que ceci est une innovation. Le fait de dire que l'unicité se divise en trois catégories, selon eux, c'est une innovation. Et ils vont te dire qu'il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna qui montre que le tawhid se divise en trois catégories. Et pour répondre à cette question, nous allons mentionner plusieurs points. Le premier point est que la preuve que l'unicité se divise en trois catégories s'appelle At-tatabbu' wal-istiqra. Ça s'appelle At-tatabbu' wal-istiqra. Qu'est-ce que ça veut dire At-tatabbu' wal-istiqra? At-tatabbu' wal-istiqra, ça veut dire que les savants, ils ont analysé le Coran et la Sunna. Les savants, ils ont analysé le Coran et la Sunna. Et ils ont trouvé que l'unicité ne sort pas de trois catégories. Il ne sort pas des trois catégories qui ont été cités au préalable. Ils ont vu dans certains versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses actions, qu'il crée, qu'il donne la vie, qu'il donne la mort, qu'il fait descendre la pluie et bien d'autres encore. Ils ont alors dit que cette unicité, c'est l'unicité dans la seigneurie. Et ils ont vu que dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle des actions des serviteurs et qu'il faut que ses serviteurs l'adorent sans rien lui associer. Ils ont dit que ceci est l'unicité dans l'adoration. Et ils ont vu que dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses noms et attributs et que rien ne lui ressemble. Ils ont dit alors que ceci est l'unicité dans les noms et attributs. Et dans certaines sourates, les trois catégories de tawhid sont mentionnées. Prenons par exemple Suratul Fatiha. Il y a l'unicité de la seigneurie. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il y a aussi l'unicité dans l'adoration. Lorsqu'Allah dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Et il y a aussi l'unicité dans les noms et attributs. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il y a même certains versets où les trois catégories de tawhid sont mentionnées. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Maryam, Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Allah, il dit selon la traduction, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Donc ça, lorsqu'Allah il dit il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux, ça c'est l'unicité dans la seigneurie. Et lorsqu'il dit par la suite, adore-le donc, ici, c'est l'unicité dans l'adoration. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, et sois constant dans son adoration, lui connais-tu insemblable, ici, lorsqu'il dit, lui connais-tu insemblable, ici, c'est l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est le premier point concernant cette ambiguïté. Ensuite, il y a un point, donc ça c'est le deuxième point, il y a un point qui est très important de mentionner. Car dans notre religion, il y a des choses qui sont venues que les musulmans appliquent même s'il n'y a pas de preuves mot pour mot concernant cette chose ou concernant ces choses. Par exemple, prenons les conditions de la prière. Les savants, dans leur livre, ils disent que les nombres, plutôt les conditions de la prière, sont au nombre de 9. Comme par exemple, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab le mentionne dans le début de son livre, Les conditions de la prière. Pourtant, il n'y a pas de preuve, mot pour mot, il n'y a pas de verset du Coran, mot pour mot, qui montre, ou plutôt qui mentionne que les conditions de la prière sont au nombre de 9. Et il n'y a pas de hadith qui mentionne mot pour mot que les conditions de la prière sont au nombre de 9. Malgré cela, les musulmans, d'accord, appliquent cette information et ont pris en considération cette information, malgré qu'il n'y a pas de preuve mot pour mot dans le Coran concernant ce nombre. Et même ceux qui viendraient à dire que ceci est une innovation, c'est-à-dire le fait de dire que le tawhid se divise en 3 catégories est une innovation, par contre, ils vont mettre en pratique et vont prendre en considération que les conditions de la prière sont au nombre de 9. Alors qu'en vérité, que ça soit les catégories de tawhid ou bien les nombres de conditions de la prière, la preuve est la même. Et la preuve, on appelle ça at-tatabbu' wa al-istiqra, c'est-à-dire que les savants ont analysé le Coran et la Sunna et ils ont vu que les annulatifs, d'accord, ou plutôt afwan, que les conditions de la prière sont au nombre de 9. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc revenons à la parole de l'auteur. Donc l'auteur, il a mentionné, c'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissés sans but. Donc, ici l'auteur, il parle de l'unicité dans la seigneurie. Et la définition de l'unicité dans la seigneurie, c'est unifier Allah par ses actions. Unifier Allah par ses actions, c'est-à-dire ses actions à lui. Comme le fait qu'il crée, qu'il donne la vie, qu'il donne la mort, qu'il donne la subsistance. Et donc la personne doit croire que seul Allah est capable de faire ces choses. C'est le seul capable de donner la vie, de donner la mort, de créer, de faire descendre la pluie, de donner la subsistance. La personne doit croire aussi que personne en dehors de lui ne peut faire cela. Et par la même occasion, elle ne doit pas attribuer ces choses-là ou l'une de ces choses-là à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça l'unicité dans la seigneurie. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à faire ces choses-là. Le seul, et qu'il est le seul aussi capable à faire ces choses-là. C'est-à-dire créer, donner la vie, donner la mort, donner la subsistance. Et aussi, ne pas attribuer ces choses à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certaines personnes, ils vont te dire, Naam, c'est Allah qui crée, c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort. Mais ils vont te dire que certains chouyouch aussi, d'accord, ils peuvent créer, ils peuvent donner la vie, ils peuvent donner la mort. Certains awliya, d'accord, ils vont te dire qu'ils ont, yani des karamates, et ils peuvent aussi créer, ils peuvent aussi donner la vie, etc. Il n'y a pas de doute que ceci est de l'association dans la seigneurie. Donc en plus de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à donner la vie, à donner la mort, à faire descendre la pluie, à donner la subsistance, etc., tu ne dois pas attribuer l'une de ces choses à autre qu'Allah. Tu ne dois pas attribuer l'une de ces choses à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il dit, en effet, il nous a envoyé un prophète. Quiconque lui obéit entrera au paradis. Et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Ensuite, il a mentionné le verset dans Sourate Al-Muzzammil. Donc l'auteur ici, il a mentionné l'obligation de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Et les preuves qui montrent cette obligation sont nombreuses. Que ce soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces preuves, nous avons le verset dans Surat al-Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah il dit Prenez ce que le messager vous donne et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en punition. Et l'éminent savant Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, dans l'explication de ce verset selon le sens, il dit ceci est général. Que ce soit pour les choses dans les fondements de la religion et aussi dans ses branches, comme le fiqh par exemple, et tout ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il est obligatoire pour le serviteur de le suivre et il est interdit de lui désobéir. Fin de citation. Et dans la sunna, nous avons le hadith d'Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. » Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé « Qui refuse au messager d'Allah ?» Il a répondu « Celui qui obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit rentrera en enfer. » Donc là, nous voyons clairement l'obligation de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une obligation pour tout musulman et tout musulmane. Ce n'est pas une obligation seulement pour les Arabes, mais c'est une obligation pour tout le monde. Tout le monde doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se conformer à sa sunna. Donc l'auteur, il dit, c'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissés sans but. En effet, il nous a envoyé un prophète, quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Certains savants ont résumé ce passage et ont dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but. Et ce but, c'est son adoration. Et il ne sera pas valide sans le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce but-là ne sera pas valide sans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les savants nous mentionnent que les conditions d'acceptation de l'adoration sont au nombre de deux. La première, c'est la sincérité. Et la deuxième, c'est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ton adoration ne peut pas être acceptée sans le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux que ton action soit bonne et soit acceptée par Allah, il faut absolument que tu te conformes à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Il dit, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Et les savants du tefsir ont dit concernant ce verset, et dans cela, il y a une mise en garde contre la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans cela, dans ce verset, une mise en garde contre la désobéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ils ont mentionné qu'il faut avoir peur pour celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit avoir peur qu'il lui arrive ce qu'il est arrivé à Pharaon, car Pharaon a désobéi au messager et Allah subhanahu wa ta'ala l'a saisi rudement.